Rejoignez-nous dans ce voyage à travers le temps. Attachez vos ceintures. Mai 1498. Le navigateur Vasco de Gama arrive en Inde. Mai 1570, le cartographe Abraham Ortelius publie le premier atlas géographique moderne. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant. 20 mai 1794, création du drapeau français actuel. Mai 1932, la pilote Amelia Earhart décolle pour devenir la première femme à survoler l'océan Atlantique en solitaire. Mai 1977, départ du dernier voyage de l'Orient Express après 94 ans de service.